je voudrais pas mêler de ce qui me regarde pas. Moi, je te dirais bien ça. Il vient un temps où, comme tu sais, ben, faut que les choses se disent. Ça fait que, écoute bien là, même si t'as ça, ben c'est ça qui est ça. M'as-tu? Dans la vie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras, là, même si t'haïs ça. Mais c'est ça qui est ça. Entends-tu? C'est ça. Fais pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, là, OK? Viens-moi, là. T'as pas de dire ça, mais si tu veux, je te dise, moi je suis comme ça. Puis même si j'haïs ça, ben c'est ça qui est ça. Vas-tu? Même temps, me dire comme on dit des fois, je voudrais pas dire des affaires que tu sais déjà, tu sais. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. C'est que même si t'ailles ça, ben c'est ça. As-tu? Bon, excuse-moi, faut que je te laisse, là, j'ai une autre ligne.